Je vous souhaite un très bel après-midi. Là, tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Pour la première fois, ils viennent de mettre la main sur un des banquiers de la mafia. Cette semaine, Cosa Nostra. Sur un des mystérieux professionnels du recyclage de l'argent sale. Politique et crime organisé, de dangereuses liaisons. Ce sont en tout 18 mafiosi qui, d'après les magistrats de Caltanissetta, ont participé à l'attentat contre le juge Giovanni Falcone. À 10h pile, Giulio Andreotti est entré dans la salle du tribunal Bunker, cette salle blindée qui avait été aménagée à l'intérieur de la prison de Palerme pour y célébrer le maxi procès contre la mafia. Si je trahis cette organisation, que ma chair brûle comme cette image. Le 27 mars 1993 restera probablement dans les annales de la vie judiciaire et politique de l'Italie républicaine. Ce jour-là, le parquet de Palerme, par l'intermédiaire du ministère de la Justice et des Grâces, demande au Sénat l'autorisation d'entamer une procédure contre Giulio Andreotti pour association de type mafieux. Le 13 mai, dans le prestigieux hémicycle du palais Madama, les sénateurs votent la levée de l'immunité parlementaire du sénateur à vie, qui la vote également. Le 9 juin, le parquet de Rome entame une procédure d'accusation contre Andreotti pour avoir commandité le meurtre du journaliste Carmine Pecorelli, assassiné dans la capitale italienne le 20 mars 1979. Comment va se dérouler ce procès? Quelles autres affaires ce procès va-t-il soulever? Quels autres assassinats? Le docteur Gioacchino Pennino, qui a reconnu son appartenance à Cosa Nostra, est à la barre. Après son explication du mécanisme lui ayant permis de gonfler les chiffres des partisans de la démocratie chrétienne, il en vient à un autre chapitre. Un voyage effectué par Giulio Andreotti en Sicile à l'hôtel Zagarella. Je me souviens que le président Andreotti est venu pour participer à une assemblée et qu'il a ensuite été invité à l'hôtel Zagarella. J'étais aussi invité, mais je n'y suis pas allé, pour des raisons professionnelles. Le voyage remonte à juin 1979, trois mois après l'assassinat de Pecorelli. Andreotti se rend à Palerme. À l'occasion des prochaines élections européennes, Andreotti veut soutenir la tête de liste des chrétiens démocrates, Salvo Lima, un politicien de réputation mafieuse. Le meeting a lieu au cinéma National. Une grande réception est ensuite prévue à l'hôtel Zagarella. À l'époque, c'est un hôtel de luxe dont les propriétaires sont deux mafieux, Ignazio et Nino Salvo. Les cousins Salvo connaissent-ils Giulio Andreotti? Le docteur Pennino est formel. Eux-mêmes m'ont dit avoir eu des rapports directs avec Giulio Andreotti, rapports marqués par une grande amitié. Je me souviens même que Nino l'appelait l'oncle Giulio, tandis qu'Ignazio parlait de lui d'une façon plus intime et plus personnelle. Intimo e più personalizzato. On se tourne alors vers le principal intéressé, le sénateur Andreotti. Sénateur, avez-vous connu Ignazio et Nino Salvo? Non, je ne les ai jamais connus. Quel sens donnez-vous au mot connu? Quel significato dà la parola conosciuto? Je ne les ai jamais connus. Je suis même certain de ne les avoir jamais vus. On présente alors au sénateur une photo le représentant en compagnie des cousins Salvo. Mais rien ne semble démonter Giulio Andreotti. Je suis entre le président de la région, M. Vattarella, le ministre de la Défense ou des Transports, et ici, dans le coin, J'ai su par la suite que c'était le propriétaire. Mais vraiment, je ne l'ai jamais connu. Ils ont essayé de me retourner comme une chaussette. Puis ils ont dit, il existe une photo, la voilà. On n'a pas surnommé pour rien Giulio Andreotti l'inoxydable. Palerme, 10 février 1986, 9h45. Gliel'ha ripetuto, la violenza non fa parte della violenza. Ho capito perfettamente. La ringrazio, mio. Pareil à Michele Greco, ils sont des centaines de mafiosi à se retrouver derrière les petites cellules d'un bunker aménagé. Après avoir enquêté durant des années, la justice frappe. 700 000 pages de dossiers patiemment construites par les magistrats italiens. Le maxi-procès devient l'événement de l'année. 456 mafieux, dont les principaux chefs de Cosa Nostra, se retrouvent sur le banc des accusés. À la base de tout, les déclarations du repenti Tommaso Buscetta. Parmi les accusés, Ignazio Salvo et Pippo Calo. Le procès du siècle commence. Il durera 2 ans. Pendant ce temps, l'Italie se rend aux urnes. La mafia, dont les chefs sont sur le banc des accusés, veut donner une leçon aux chrétiens démocrates qu'elle accuse de ne plus les soutenir. Toto Riina, le nouveau parrain des parrains, rassemble ses troupes pour discuter de la nouvelle situation. Retour à Pérouse en 1995. Le confident de Toto Riina, Baldassare Di Maggio, raconte aux jurés ce qui s'est passé à l'époque. Y a-t-il eu une intercession de Cosa Nostra dans les élections de 1987? Il y avait eu avant 1987 le maxi-procès. Depuis, la démocratie chrétienne se désintéressait des procès. Avant, il y avait bien eu des accords avec ce parti qui nous aidait pour nos procès. À partir du maxi-procès, leur intervention a cessé. Alors, en 1987, Riina a réuni ses chefs afin de faire voter pour le Parti socialiste et donner une gifle à la démocratie chrétienne. Andreotti retourne alors à Palerme. Nous sommes le 20 septembre 1987. Une fois de plus, le motif du voyage est banal. Le Parti chrétien-démocrate de Sicile célèbre une fête du parti. La présence d'Andreotti, dont le pouvoir politique dépend des voix de l'Italie du Sud, s'impose. À 3h, il a rendez-vous à la fête du parti. Mais il reporte son arrivée pour se reposer. En fête de repos, Andreotti, selon certains témoignages, se serait éclipsé pour d'autres rendez-vous moins officiels. Baldassare Di Maggio prétend avoir assisté à une bien étrange rencontre, celle de Giulio Andreotti avec Toto Riina. Cela s'est passé ainsi. Un jour, Angelo La Barbera vient me voir et il me dit domani che cos'è stato? Dice a tal orario verso le due e mezza deve essere. Demain, vers 2h, tu dois venir. Tu dois être bien habillé. Nous avons garé la voiture, nous avons pris l'ascenseur et nous sommes arrivés chez Ignazio Salvo. Dès que nous sommes entrés, j'ai vu Andreotti et Lima. Ils se sont salués, embrassés, moi je leur ai serré la main. Puis je me suis retiré dans la cuisine. Tout le monde croyait le chef du gouvernement dans sa chambre d'hôtel. Il avait donné quartier libre à son escorte. Personne n'a rien vu, personne n'a rien remarqué, pas même le retour présumé du chef du gouvernement. Même si cette rencontre mémorable entre Andreotti et un chef de la mafia recherché par les polices internationales a réellement eu lieu, elle n'a plus beaucoup d'impact sur les événements, car Andreotti a de moins en moins de prise sur les institutions. Scusate, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè. Palerme, 16 décembre 1987. Avec la bénédiction que Michele Greco donne au président du tribunal, le plus grand procès de tous les temps contre la mafia s'achève. La perpétuité pour les chefs. Un verdict historique contre la mafia. 19 condamnations à perpétuité. 2665 années de prison pour les autres. De quoi faire perdre le sourire aux assassins. Les juges ont donné les dépositions de Buscetta. Les déclarations de Tommaso Buscetta, repenti de la première heure, assènent un coup décisif à Cosa Nostra. Celle-ci peut espérer un pourvoi, mais les temps ont changé. Le public et la presse internationale ont les yeux rivés sur l'Italie. Une révision du procès en faveur de la mafia constituerait un risque politique incalculable. Le Parlement adopte les lois anti-mafia les plus sévères jamais instaurées. Contre la mafia, j'ai pris les mesures les plus sévères qui aient jamais existé. Et je l'ai fait malgré l'hostilité d'une partie du Parlement. Cependant, ces lois anti-mafia n'ont pas été initiées par Giulio Andreotti, mais par le ministre de la Justice, Martelli. Au procès, celui-ci explique avoir été très isolé au moment de leur adoption. En janvier 1992, la Cour de cassation de Rome confirme les verdicts prononcés contre la mafia à l'issue du procès. Peu après, l'homme d'Andreotti en Sicile, le député Salvo Lima, est assassiné à Palerme. Un avertissement destiné à Andreotti. Puis c'est au tour d'Ignacio Salvo. Deuxième avertissement. Nous arrivons à 1993, l'année de l'assassinat des juges Borsellino et Falcone, la mafia blessée est plus dangereuse que jamais. Dans le bureau de Giulio Andreotti, nombreuses sont au mur, tout autour de lui, les photos souvenirs de sa longévité politique. Au milieu de tous les clichés en noir et blanc, pour la plupart, il y a aussi une photo d'Aldo Moro. Dans ses notes, ce dernier avait prédit une triste fin à Andreotti. Dans la prison des Brigades Rouges, il avait rédigé des centaines de pages. Que sont-elles devenues ? Milan, 10 octobre 1990. Un ouvrier découvre exactement au même endroit que la première fois les notes laissées par Aldo Moro. Cette fois-ci, elles semblent complètes. Ce que Carmine Pecorelli savait se confirme. Tous les scandales du passé refont surface. Le scandale des pots de vin de l'avionneur américain Lockheed. Gladio, une organisation militaire secrète qui voulait créer en Sardaigne un camp d'internement pour intellectuels de gauche. Des dépôts d'armes sont découverts aux quatre coins de l'Italie. Des armes utilisées par des terroristes d'extrême droite pour plonger l'Italie dans l'état d'urgence. Et parmi ces découvertes, un portrait plutôt particulier d'Andreotti, signé Aldo Moro. Encore un mot, vénérable Andreotti, président du Conseil pour notre malheur et pour le malheur de notre pays. Vous tiendrez encore un peu, puis un peu moins, avant de figurer dans les pages sombres de l'histoire. « 25 septembre 1995. Le procès de Giulio Andreotti s'ouvre aujourd'hui à Palerme en Sicile. 2 ans et demi d'enquête, 100 000 pages au dossier pour pouvoir juger aujourd'hui celui qui a été 7 fois Premier ministre. Le procès devrait durer 2 ans, 500 témoins vont défiler à la barre. À 10h pile, Giulio Andreotti est entré dans la salle du tribunal Bunker, cette salle blindée qui avait été aménagée à l'intérieur de la prison de Palerme pour y célébrer le maxi-procès contre la mafia. Mais quelle différence de tension, d'atmosphère. Au fond, le procès virtuel contre Giulio Andreotti, celui fait de débats audiovisuels, de campagnes de presse, est bien plus animé que celui, pourtant historique, qui s'ouvre ce matin. Une atmosphère inquiétante, comme si la nouvelle génération de la mafia avait décrété, en quelque sorte, l'enterrement politique et civique de Giulio Andreotti avant même la sentence. Et la première décision du tribunal, présidée par le juge Francesco Ingargiola, qui, sur requête de l'accusation, a nié la transmission en direct TV, seule la radio y a été autorisée, contribuera à obscurcir ce personnage qui détient pourtant la clé de tous les mystères de l'Italie. Pendant ce temps, le parti chrétien-démocrate enlisé dans la corruption est dissous. La prophétie d'Aldo Moro, « Mon sang retombera sur vous », se réalise. Et nombreux sont ceux à se demander, tout cela serait-il arrivé si en 1978, Aldo Moro était retourné à son bureau? L'ancien membre des Brigades Rouges, Alberto Franceschini, ne le pense pas. C'est quand même une chose chiarissima, que... Une chose est certaine, Andreotti n'aurait pas été l'homme clé de la politique italienne des années 80. La disparition d'Aldo Moro a permis l'alliance Craxi-Andreotti, qui a dominé les années 80 et qui, selon moi, est née sur le cadavre de Moro. Pas plus que l'ancien avocat des Brigades Rouges, Giannino Ghiso. C'est Aldo Moro. Non fosse stato rapito in quel periodo. Si Aldo Moro n'avait pas été enlevé à la même période, quelque chose d'autre aurait surgi en Italie. C'est-à-dire l'opération Manipulite, une enquête judiciaire qui aurait permis dès 1978 la découverte de Tangentopoli et de tout son système de corruption. Questo sistema di corruzione sin dal 1978. Un système de corruption englobant tous les secteurs. Les entreprises de transport public, l'industrie, la construction routière, tous devant payer leur tribut à la mafia. La chute d'Andreotti signifie également celle de Bettino Craxi, son partenaire de coalition socialiste. Les Romains furieux lui jettent des pièces de monnaie en le traitant de voleur. Monsieur le Président, avez-vous commandité l'assassinat du journaliste Pecorelli? Certainement pas. Cette accusation est l'une des choses les plus absurdes qui pouvaient m'arriver. Pérouse, le 30 avril 1999. L'accusation boucle aujourd'hui son plaidoyer. C'est au procureur de la République, Alessandro Cannevale, que revient la charge d'exiger les sentences pour les 6 accusés. Quand les jurés arrivent, on apprend que les prévenus et leurs défenseurs ne viendront pas. Une façon comme une autre de prendre ostensiblement leur distance vis-à-vis de la justice et d'afficher un mépris souverain quant à sa décision. Plus tard, Claudio Vitalone arrivera tout de même. Devant un banc des accusés presque désert, seuls sont présents les avocats locaux des prévenus. Le procureur de la République résume une dernière fois les charges de l'accusation. Tous les arguments convergent vers une seule conclusion. 128 audiences, 231 témoins, 326 documents ont permis de désigner les 6 personnes accusées du meurtre du journaliste Carmine Pecorelli. Un crime implacable et froidement prémédité. Pecorelli était sans préjugés. C'était un aventurier du journalisme. Il aimait agacer les puissants, dévoiler leur mesquinerie, entamer leur apparence d'impeccable vertueux. C'était surtout une personnalité ingouvernable. Carmine Pecorelli possédait des documents sur l'affaire Moro, des documents inédits et dangereux pour Andreotti, qui pouvait décider pour écarter ce danger d'une solution finale qui serait adoptée. Certainement Vitalone, qui connaissait les cousins Salvo, et certainement Giulio Andreotti aussi. Suite à ces résultats et aux enquêtes successives, une occasion unique se présente de dire la vérité sur le meurtre du journaliste Carmine Pecorelli. C'est cette vérité que vous devez défendre en déclarant: Gaetano Badalamenti, Giuseppe Calo, Giulio Andreotti, Claudio Vitalone, Michelangelo La Barbera et Massimo Carminati, coupables de participation au crime qui leur est attribué. Nous vous demandons de les condamner à la prison à perpétuité et aux peines accessoires prévues par la loi. Le 17 novembre 2002, Giulio Andreotti, ancien chef du gouvernement italien, est condamné à 24 ans de prison par les juges de la Cour d'appel de Pérouse. Andreotti est accusé d'avoir commandité l'élimination du directeur de la revue Observatoire Politique. À la mi-janvier 2003, Nino Giuffre, 58 ans, considéré jusqu'à son arrestation comme le bras droit du successeur de Totò Riina, accuse lui aussi Andreotti de contact avec Cosa Nostra. Mais les juges de la Cour d'appel de Palerme donnent raison à Giulio Andreotti, estimant que l'accusation ne peut pas prouver une collusion entre l'homme politique et la mafia. Ils contredisent du même coup les magistrats de Pérouse et effacent d'un trait tous leurs efforts. Il est clair que Andreotti a des responsabilités, même dans cet assassinat. Il les a, ce sont des responsabilités morales. Moi, je pense qu'il faudrait avoir, par rapport à Andreotti, la ligne qui était celle de Giovanni Falcone. Falcone disait, quand un homme politique commet un délit de type pénal, il doit être combattu avec les armes de la loi, du code pénal. Bon. Quand il commet un délit d'ordre politique, il doit être combattu avec les armes de la politique. Et lui était convaincu, on était donc en 91, il a été assassiné en 92, mais le livre nous l'avons fait en 91, il était convaincu en 91 qu'Andreotti devait être jugé politiquement. Il faut quand même penser bien à ça. Et moi je me demande maintenant, avec tout ce qui s'est passé, s'il n'avait pas en fait raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a passé des années entières, le parquet de Palerme, la police de Palerme, les carabiniers de Palerme ont passé des années entières à essayer de nourrir le dossier Andreotti, rapport avec la mafia. Sincèrement, ils n'ont pas trouvé de choses concrètes, convaincantes. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas combattu la mafia quotidienne, la mafia des profits, la mafia de l'économie, de la finance, la mafia des sous-traitances. Et je me souviens que dans les années 95-96, un important policier à Palerme m'avait dit, pendant qu'ils font ça, la mafia prospère. Pendant qu'ils font les enquêtes sur Andreotti, la mafia prospère. Alors moi j'ai un peu un jugement, je condamne le personnage, je condamne son immoralité, je condamne ses silences, mais je ne sais pas s'il était vraiment indispensable de le traduire devant les tribunaux. Marcel Padovani, les repentis sont souvent présentés comme associés au virage dans l'hyperviolence qui va s'opérer pour Cosa Nostra. Est-ce que c'est une version complète ou incomplète ? C'est-à-dire que les repentis, à partir du moment où ils se mettent à parler, mettent en accusation la nouvelle Cosa Nostra qui s'était fabriquée autour des Corléonais. C'est-à-dire, quand Bouchette se met à table, qui il met en accusation? Les Corléonais, ce qui était tout à fait normal, puisque c'était eux qui géraient de façon assez centralisée la coupole mafieuse. Donc, les repentis ont accompagné la décomposition de la vieille Cosa Nostra, de la Cosa Nostra que Giovanni Falcone a contribué à démanteler. Ils l'ont accompagné par leurs déclarations, par leurs révélations, et ils en ont été les... comment dire, le bras armé. Personne ne voulait prendre au sérieux les révélations qu'ont fait les premiers mafiosi qui se sont mis à parler. Et donc, de 73 à 84, il faudra plus de 10 ans, 84 c'est le moment où parle Bouchette, il faudra plus de 10 ans pour que le discours du mafioso commence à être reconnu comme un discours valable. Mais autant on peut comprendre... d'une certaine manière que le discours soit le plus possible tu ou écrasé, mais on est quand même étonné que, je ne sais pas moi, des journalistes ou des enquêteurs quelconques ne prennent pas un peu la chose au pied de la lettre. Non, mais il y a quand même des gens qui écrivaient, il y a quand même des gens qui se battaient. Souvenez-vous de Danilo Dolci, le sociologue qui était allé s'implanter justement dans les environs de Palerme dans les années 60 pour témoigner concrètement par son travail une manière d'être qui était anti-mafieuse et qui dénonçait la mafia rurale qui en ce moment-là était très puissante à Partinico, là où il se trouvait. Non, il y a eu des gens qui ont été capables de le dire, mais il n'y avait pas d'oreille. Il n'y avait pas d'écoute. C'était comme si on ne voulait pas entendre. Ça paraissait incroyable. Il a fallu beaucoup de massacres pour que Bouchette puisse devenir crédible, pour que le repenti puisse avoir un discours. C'est quand même, c'est pas pour rien que le cinéma s'est autant nourri, à la fois attiré, fasciné et en même temps vomissant la mafia. Mais c'est absolument fascinant de voir à quel point dramaturgiquement, tout est là pour faire des histoires fortes. Des histoires fortes, des histoires extraordinaires. Exceptionnelles. Et par exemple, un homme comme Leonardo Sciascia, qui est mort avant les grands repentirs et avant la dissolution de la mafia, était quelqu'un de fasciné absolument par les personnages mafieux. Parce que les personnages mafieux sont riches d'histoires, sont riches d'événements. Ils vivent en contact continu avec la mort. Ils vivent dans une appréhension continue du moindre geste et du moindre événement. Ce sont des gens qui sont tout le temps sur le qui-vive. Ce sont des personnes, les mafieux et les repentis aussi, puisque les repentis sont des mafieux qui se repentent. Ils vivent d'une manière absolument vraiment extraordinaire. Ils sont tout le temps sur une scène de théâtre. J'en connais beaucoup de repentis qui sont maintenant à Rome sous un nouveau nom, etc. Ce sont des gens qui sont restés extraordinairement fascinants par cette espèce de vigilance, d'attente et de désir de comprendre et d'appréhender les moindres signes, exactement comme faisait Falcone quand il voulait comprendre comment combattre Cosa Nostra. Cette série, réalisée par David Golan, vous a été proposée au moment même où, dans les salles de cinéma, il vous est désormais possible de découvrir le nouveau film de Marco Bellocchio, Il Traditore, le traître, en salle cette semaine. Le traître, autrement dit Tommaso Buscetta, le plus célèbre des repentis de la mafia. Pace nome, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. Non ci sono intoccabili. Non mi fraintenda, ma ho più paura dello Stato che della mafia. Onnetopa! La sei stato! Onnetopa! Dimanche soir sur RTS2, dans le nouveau documentaire d'Histoire vivante, il sera également question de mafia, cette fois non plus en Italie, mais en Serbie, avec le documentaire de Jérôme Piera, Les miliciens du crime.